vos beautés non pareilles. De telle façon, vos yeux où toujours mon cœur s'envole, votre front impérieux, votre rire, votre parole. Par grand amour, en avoir la jouissance.